بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 53 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab du Sheikh al-Mardawi avec les commentaires du Sheikh Salah al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc je suis un peu enrhumé aujourd'hui, donc Allah musta'an. En tout cas, on commence Inch'Allah avec le premier vers dans le chapitre dans lequel on est, toujours à propos de, il y en a des règles, de comme si le cheikh explique l'importance d'apprendre les règles de l'héritage et les règles du regard. Et là, c'est le dernier vers dans ce chapitre-là. On aurait pu le finir au dernier cours, mais j'avais pas bien remarqué que c'était le dernier vers. Donc il reste juste un petit paragraphe à lire. Et puis après, on commence l'autre chapitre. Il dit « كَقَابِلَةٍ حِلٌّ لَهَا نَظَرٌ إِلَى مَكَانِ وَلَادَاتِ النِّسَاءِ فِي التَّوَلُّدِ » Donc ici, le cheikh, il parle du fait que c'est qu'est-ce qu'on appelle ici, nous, les sages-femmes. Hein, les sages-femmes, celles qui font les accouchements. Donc, c'est des femmes qui ont l'expérience, qui ont la connaissance dans le fait d'accoucher. Mais ça s'applique également aux médecins qui accouchent les femmes et les gynécologues de façon générale. Et il explique, le cheikh, il dit « كذلك القابلة » Donc, la sage-femme, il l'appelle « القابلة » « القابلة » Et il dit « وهي التي تولد المرأة » يجوز لها أن تنظر مخرج الجنين لأن هذا للضرورة والتوليد الآن قائم في المستشفيات فالتوليد لا بأس به ولكن يتولاه النساء القوابل ولا يجوز أن يتولاه الرجال إلا عند الضرورة إذا لم يوجد نساء ويخاف على المرأة من الموت فيجوز أن يتولى توليد أن يتولى توليدها فيجوز أن يتولى توليدها الرجل كذلك لو احتاجت إلى جراحة تتولاها المرأة ولا يتولاها الطبيب إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبة. Donc le cheikh explique que la sage-femme, c'est celle qui accouche, donc qui a, c'est comme si elle accueille l'enfant quand il sort du ventre de la mère. Il dit, le cheikh, que c'est permis pour elle de regarder à l'endroit duquel sortira le bébé. Donc, c'est permis ça pour elle. Et il dit que ça, c'est une nécessité. C'est pour ça que c'est permis. Il dit que aujourd'hui l'accouchement ça se fait dans les hôpitaux en général, donc il n'y a pas de mal à cela, hein, il n'y a pas de mal à cela. Il dit toutefois ça doit être des femmes qui doivent s'occuper de l'accouchement. Et il dit que c'est permis que ce soit un homme. Il dit c'est pas permis que ce soit un homme, excepté si c'est une nécessité. D'accord? Donc, en principe, c'est une femme qui doit accoucher, une femme. Mais s'il y a une nécessité, alors à ce moment-là, c'est permis que yani ce soit un homme, s'il n'y a pas de femmes, par exemple, okay, qui sont capables de le faire. Et qu'on craint pour la vie de la femme. On craint qu'elle puisse mourir si personne, donc un homme ne va pas l'accoucher. À ce moment-là, c'est permis pour l'homme de s'occuper de l'accouchement et de faire l'accouchement dans des cas de nécessité. Et il dit, le cheikh, que de même que si, par exemple, il y a un besoin de faire une chirurgie, comme une césarienne, par exemple, il dit, ça doit être une femme qui le fait, une femme médecin. Il dit, sinon, si c'est pas possible, il n'y a pas de femme médecin, à ce moment-là, par nécessité, c'est permis que ce soit un homme. D'accord? Donc, ça, c'est pour clarifier ces règles-là. Donc on a conclu, on a expliqué maintenant les règles de ce chapitre. On passe maintenant à un nouveau chapitre. Et ce chapitre, c'est قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الأجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات. Donc, il y a plusieurs sujets qui sont traités dans ce chapitre. Et parmi les explications ou les différents sujets dans le titre, il y a قَطْعُ الْبَوَاسِيرِ. Donc, قَطْعُ الْبَوَاسِيرِ وَالْكَيْ بِالنَّارِ. Donc, قَطْعُ الْبَوَاسِيرِ, الْبَوَاسِيرِ, c'est en tout cas, je vais pas le traduire directement, je vais l'expliquer après quand on va lire l'explication. Al-Kay bin-Nar, c'est le fer chaud. Al-Ruqa, c'est les incantations, bien la récitation du Coran et des hadiths pour guérir quelqu'un. Ta'liq al-Ajras, c'est-à-dire les cloches, d'accrocher des cloches. C'est quoi le jugement là-dessus? Ta'awidh, c'est-à-dire, yani, c'est certaines choses que les gens portent pour se protéger, comme des amulettes ou des choses comme ça. On va expliquer le jugement à propos de ça. At-tadawi bil muharram. Est-ce que c'est permis de prendre un médicament ou un traitement qui est composé d'une matière qui est illicite? Hein? Et aussi le jugement à propos des animaux. Donc, on va lire l'explication de ce titre et des différents sujets qui sont traités dans ce chapitre. Cheikh Al-Fawzan, il les clarifie. Donc, il dit, on va expliquer le jugement de toutes ces choses-là. Premièrement, Al-Awwal, قَطْعُ الْبَوَاسِيرِ وَالْبَوَاسِيرِ جَمْعُ بَاسُورِ وَهُوَ دَاءٌ يَكُونُ فِي الدُّبُرِ فهذا يجوز قطعه إذا كان في العورة وإن كان في العورة للضرورة وإن كان يخشى سريانها إلى الجسم وفيها خطر إذا تركها فإنه يجوز له قطعها وإن كانت في الدبر للضرورة أما إذا لم يخف سريانها فإنه يكره فإنها يكره قطعها. OK, il explique ici que de fait de couper les hémorroïdes ou de traiter les hémorroïdes lorsque des gens ont des hémorroïdes. D'accord? Hémorroïdes. C'est une maladie ou un malaise qui arrive dans le derrière d'une personne, hein. Donc c'est des morceaux de chair qui dépassent et qui sont douloureuses, qui peuvent faire mal et des choses comme ça. Et il dit que c'est permis de les faire enlever même si c'est dans l'aura. L'aura, c'est-à-dire la partie intime ou des parties qu'on n'a pas le droit de montrer ou de voir, que d'autres n'ont pas le droit de voir. Et donc c'est permis pour la nécessité. Si on craint que ça crée des problèmes pour le reste du corps ou des choses comme ça, que ça se propage ou des choses comme ça, s'il y a un danger de les laisser, à ce moment-là, c'est permis de les faire enlever. Et il dit, ça c'est malgré que ce soit dans les parties intimes, dans la région des parties intimes. Mais si on ne craint pas que ça fasse un plus grand mal ou que ça se propage ou des choses ou que ça fasse du tort, à ce moment-là, c'est déconseillé de les enlever ou de les faire enlever. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il dit وَالدَّمْل. وَالدَّمْلُ إِذَا كَانَ فِيهِ قَيْح فَيَجُوزُ بَطُّهُ يَعْنِ شَقُّهُ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ لأن هذا من العلاج ولا يترتب عليه خطر إذا قرر الطبيب أنه لابد من شقه وإخراج ما فيه فلا بأس بذلك ولو كان في محل لا يجوز النظر إليه فيجوز للضرورة لأنه ربما إذا بقي يتضرر الجسم أو يسري فيه أو يتطور إلى مرض عضال. Donc ici le cheikh il explique que si quelqu'un il a des comment le terme en des furoncles, hein? Si quelqu'un il a des furoncles, vous savez qu'est-ce que c'est des furoncles? Non? C'est comme des boutons qui s'infectent et qui deviennent gros et qui sont remplis de pus. Et c'est très douloureux. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle des furoncles. Donc, le cheikh explique que lorsqu'il y a, quelqu'un qui a des furoncles, par exemple, et dedans, il y a du pus, c'est permis de les ouvrir pour faire sortir le pus qu'il y a dedans. Et il dit que ça fait partie des traitements ou les médecins, parfois, ils font ça. D'accord? Donc, quand quelqu'un il a un furoncle, s'il a un gros furoncle, par exemple, et qu'il y a beaucoup de pus dedans, c'est pas n'importe qui peut ouvrir ça. Puis, il faut pas les éclater. Parce que ça peut, sinon, ça peut vraiment ça, être dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le médecin, il va le couper. Hein, pour faire sortir tout le pus qui est dedans. D'accord? Et il dit le cheikh que yani, si le médecin donc il décide de les ouvrir, d'ouvrir le furoncle pour faire sortir ce qu'il y a dedans, il dit ça, c'est pas, il n'y a pas de problème avec ça. Il dit, et ça, c'est même si le furoncle est dans un endroit qu'on n'a pas le droit de voir. On n'a pas le droit de regarder. Et il dit, dans ce moment-là, le médecin, il a le droit de le faire par nécessité. Hein? Parce que s'il ne le fait pas, ça risque de faire du tort. Peut-être que ça peut s'aggraver. Peut-être même que ça peut se propager. Peut-être que ça peut même infecter un membre au complet. Puis après, l'infection se généralise. Puis après, tu es obligé de couper la jambe ou le pied ou l'endroit où ça se propage, là, s'il y a une infection qui devient trop grande. Le troisième point qui est mentionné, il dit Batrul adou min al-insan, wa huwa ma yusamma qat'u al-taraf min yadin aw rijlin aw usbu'in fayajuz idha kana tarkuhu yasri على بقية البدن أو على بقية العضو من أجل الضرورة ليسلم البقية وهذا العضو المقطوع من الإنسان له حرمة فيجب أن يدفن ولا يترك أو يحذف أو يلقى في المزابل ولكن ما دام حيا فليس له حكم الميت بل يدفن بدون شيء أما لو وجد عضو من إنسان ميت ولم يعثر على بقيته فإنه يكفن ويصلى عليه ويدفن كسائر جسمه. Donc le cheikh il explique ici que par exemple si quelqu'un on doit l'amputer, hein, il doit avoir une amputation d'un de ses membres. Donc on appelle ça l'amputation. Soit parce qu'il y a une gangrène ou bien une infection ou quelque chose. Si on ne coupe pas le membre, l'infection risque de se propager au reste du corps, puis la personne peut mourir. Donc on a le choix entre la laisser mourir ou enlever le membre qui est affecté. Alors le cheikh, il dit, alors à ce moment-là, c'est permis de couper ce membre par nécessité. Hein, pour que le reste de son corps reste intact et qu'il ne soit pas affecté par l'infection. Il dit, mais le membre du corps de la personne qu'on a coupé, le membre amputé, il a son respect. On doit le respecter et on doit l'enterrer. C'est-à-dire, on ne doit pas le laisser jeter dans les poubelles ou bien s'en débarrasser ou des choses comme ça, non. On doit l'enterrer comme quand quelqu'un il meurt, on l'enterre. Il dit, c'est pas comme il n'a pas le même verdict ou le même jugement que le mort lui-même, ce membre-là. Donc, on va l'enterrer sans faire de funérailles, sans faire rien. Juste, on l'enterre dans la terre. Et tandis que si on trouve un membre d'une personne, par exemple, on retrouve une jambe quelque part ou un bras, hein, et on ne sait pas à qui ça appartient. Hein. Il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans un linceul et on va le laver, le mettre dans un linceul et on va l'enterrer comme le reste de son corps. Hein, si on avait le reste du corps. Naam. Naam. Oui, oui. Non, pas n'importe où. Dans le cimetière, effectivement. Parce que si tu l'enterres n'importe où, c'est pas approprié, tu vois. Tu peux pas mettre ça n'importe où dans un parc ou bien les gens ils vont trouver des ossements, des choses là. C'est pas correct. Il faut mettre ça dans un cimetière. Non. Ensuite, le vers suivant, le cheikh il dit. لأكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها وعنه على الإطلاق بغير مقيد. Donc c'est ça ici que le cheikh il mentionne, c'était la question de la personne qui a par exemple une gangrène, hein, ou bien quelqu'un par exemple qui est resté dans le froid trop longtemps, tu vois, ses membres commencent à ils sont gelés complètement, alors à ce moment-là il commence à noircir, puis il faut l'amputer, hein. Ça c'est des exemples, des choses qui peuvent arriver. Donc ça c'est si tu crains que la personne elle perde plus que ce membre-là, si elle le laisse, il faut le couper. Hein. Ensuite il dit par rapport au fer, on va lire qu'est-ce qu'il explique ici. Il dit al-rabi' al-kay bin-nar makruh li'annahu ta'dhib wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yakrahu al-kay. وإن كان نوع من العلاج فيكره لأنه تعذيب بالنار وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء ففي ثلاثة في ثلاث شرطة محجن أو شربة عسل أو كية بنار كية نار وأنا أكره النار. فيجوز مع الكراهة إذا احتاج إليه لأن فيه حسما للداء. Donc ici le cheikh il explique que un des traitements que les gens, parmi les exemples de médecine traditionnelle que les gens utilisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était utilisé pour traiter certaines maladies ou certains problèmes de santé, il y avait qu'est-ce qu'on appelle al-kay binar. C'est-à-dire qu'on utilise un morceau de métal qu'on chauffe et qu'on applique à certains endroits du corps. Hein? Et ça, c'est un traitement pour certaines maladies. Moi, je ne connais pas grand-chose à ce sujet-là parce que je ne connais pas cette médecine-là. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Dans le sens que j'ai déjà vu une personne qui s'était fait traiter de cette façon pour certaines maladies. Puis c'est des choses qui existent encore dans certaines régions. Hein, c'est des médecines traditionnelles, ok. Et malheureusement, je connais pas grand chose comment ça fonctionne. Et le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il déconseillait l'utilisation du fer chaud. La raison pourquoi il déconseillait cela, c'est parce que, étant donné que c'est, on utilise du feu, donc il y a une certaine douleur là-dedans. hein, et que ça fait mal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait qu'on utilise du feu, hein, pour traiter ces choses-là, parce que ça fait mal et c'est une sorte de châtiment, hein, comme un châtiment. Et par contre, il le permet. C'est-à-dire, il déconseille ça, il n'aime pas ça, mais il le permet si c'est quelque chose qu'on a besoin. Hein, si c'est nécessaire de l'utiliser ou si on a besoin de ce traitement-là, alors dans ce cas-là, c'est permis. Sauf que si on peut faire un autre traitement différent, c'est mieux. C'est ça. Ensuite, il mentionne l'autre, dans l'autre vers, il dit وَكَذَاكَ الرُّقَى إِلَّا بِآيٍ وَمَا رُوِي فَتَعْلِيقُ ذَا حِلٍّ كَكِتَابٍ لِوَلَدِي. Donc, il explique ici la ruqya, les règles de la ruqya. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Khamis, al-ruqya. وهي القراءة على المريض من أجل طلب الشفاء وهي على قسمين القسم الأول إن كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة فلا شك في جوازها فيجوز للإنسان أن يرقي المصابين لأن هذا نوع من العلاج والله جعل القرآن شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية والقسم الثاني إذا كانت الرقية بغير القرآن وبغير الأحاديث وإنما هي ألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة أو ألفاظ أعجمية لا يعرف معناها فهي حرام لا تجوز الرقية بها وبقيت مسألة تعليق المكتوبات من القرآن أو من الأدعية هل يجوز أن يكتب في ورقة شيء من الآيات أو شيء نعم شيء من الآيات والأدعية النبوية تعلق على الأولاد أو على المريض وهو ما يسمى بالحجاب والحرز فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين. أوكي. Donc on va commencer par ça. Le cheikh, il explique le point numéro 5 ou la cinquième sujet qu'est-ce qu'on a mentionné dans le titre, c'est la ruqya. Et la ruqya, c'est de réciter sur le malade, hein, des paroles dans le but de le guérir. Et ça, c'est divisé en deux catégories. Hein. C'est comme le fait de faire des incantations ou bien de réciter des paroles sur une personne. Donc les gens dans la jahiliya, ils faisaient de la ruqya. Mais il faisait la ruqya avec des exemples de des choses de shirk ou de sihr ou des choses comme ça. Ça, c'est haram, ça, c'est clair. Mais parmi les exemples, le cheikh, il a divisé ça en deux catégories pour nous faire comprendre. Donc, la première catégorie, c'est si on fait la ruqya avec le Coran, si on fait la ruqya avec des doigts mentionnés dans les hadiths authentiques, ça, il n'y a pas de doute que c'est permis. Ça, c'est correct, c'est halal. Et donc, on a le droit, hein, quelqu'un a le droit, par exemple, de faire la ruqya sur des gens qui sont malades ou qui sont touchés par quelque chose. Et ça fait partie des traitements et des guérisons qui sont, des traitements ou des médicaments qui sont permis en islam. Et Allah Azza wa Jal, il a fait du Coran un remède. Et c'est un remède pour les maladies physiques et pour les maladies spirituelles aussi. Ou psychologique. Et il dit deuxièmement, la deuxième catégorie, c'est la ruqya qui est faite par autre que le Coran et autre que les hadiths authentiques. Et c'est des paroles dans des langues inconnues ou des lettres, hein, qui sont pas rattachées ensemble ou des chiffres même parfois ou bien des lettres des mots dans des langues étrangères ou même c'est même pas des fois des langues qu'on connaît, c'est pas des langues connues, c'est des langages bizarres. Hein. Donc si c'est le cas, alors c'est haram de faire la ruqya avec ça. Et on n'a pas le droit donc d'utiliser ce genre de ruqya. Et c'est ce que souvent on trouve de la part des sorciers ou des gens qui font du sihr. Ils font la ruqya avec des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et des choses qu'on ne connaît pas, ou des choses, des fois avec des lettres ou des chiffres ou des choses bizarres. D'accord? Donc, ça, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Cheikh, il dit, il reste à clarifier est-ce que c'est permis d'accrocher le Coran, hein, ou bien des invocations, ou bien des choses comme ça, de les écrire sur quelque chose, puis de les accrocher sur la personne. Donc, c'est ce que les gens, par exemple, ils font. Ils écrivent des versets ou des hadiths sur des doigts sur un papier, et ils accrochent ça sur les enfants quand ils sont malades, ou bien sur des gens comme même des adultes aussi, ils leur font des amulettes, des talismans, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça c'est permis? Si c'est fait avec le Coran et la Sunna, est-ce que c'est permis? Il y a deux positions chez les ulama à ce sujet-là. Donc, le cheikh il dit Al-Qawlu al-Awwal. أنه يجوز هذا للحاجة وهو نوع من الاستشفاء بالقرآن وقد فعله بعض الصحابة كابن عمر وبه قال الناظم والقول الثاني أنه لا يجوز لعدة أمور أولا أنه لا دليل على جواز تعليقه ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم وهذا النهي مطلق يعم التمائم من القرآن ومن غير القرآن قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ثالثا أن هذا يعرض القرآن والأحاديث للامتحان إذا علق على طفل أو على من لا يتحرز من النجاسة والدخول في الحمامات والحشوش ففيه تعريض القرآن للامتحان وهذا هو القول الصحيح وهو اختيار أئمة الدعوة أنه لا يجوز وعلى القول الأول وهو الجواز يشترط فيما يعلق أربعة شروط الأول أن يكون المعلق من القرآن والأدعية المشروعة لا يكون فيه أشياء مجهولة الثاني أن يكون باللفظ العربي ولا يكتب بلفظ أعجمي ولا يدرى ما معناه الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا سبب فإن اعتقد أن الشفاء فيه فهذا شرك لأنه اعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى والرابع أن لا تمتهن. Bon, ça c'est une bonne explication. Le cheikh il explique ici que donc les ulama ils ont divergé en ce qui concerne le fait d'accrocher des versets de Coran ou des invocations prophétiques en deux positions. La première position c'est que c'est permis s'il y a un besoin. Et ils disent que c'est une forme de guérison par le Coran. Et que certains d'entre les Sahaba l'ont fait. Et c'est ce que le Cheikh Al-Mardawi, lui, a choisi comme position. La deuxième position, c'est que c'est pas permis. Pour différentes raisons. La première raison, c'est que il n'y a pas de preuve qui permet de le faire, premièrement. Il n'y a pas de dalil pour justifier ou pour permettre d'accrocher le Coran sur une personne. Deuxièmement, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'accrocher des talismans et des amulettes, de façon générale, que ce soit du Coran ou d'autres. Donc l'interdiction est générale. Il n'y a pas de permission spéciale ou spécifique pour qu'est-ce qui est écrit avec le Coran. Donc que ce soit le Coran ou autre que le Coran, c'est considéré équivalent. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui accroche une amulette alors que Allah ne l'aide pas à compléter ses affaires. Et il dit dans une autre narration de ce hadith, celui qui accroche une amulette, il a fait du shirk. Donc c'est une forme de shirk. Et troisièmement, le cheikh il explique que le fait de par exemple, de la troisième preuve ou la troisième raison pourquoi c'est pas permis, ou pourquoi lui il dit que c'est pas permis, le cheikh, c'est parce que lorsque tu vas accrocher le Coran sur une personne ou des doigts, eh bien, il y a le nom d'Allah dedans. Ça, ça veut dire que la personne, si elle a accroché ça à son cou, si c'est un enfant ou si c'est n'importe qui, hein, il risque de rentrer aux toilettes avec. Et ça, ça veut dire qu'il va rabaisser le Coran. Et ça, c'est la position qui est correcte. C'est la position qui est bonne. Et c'est l'opinion qui a été choisie par les imams de la da'wah. Donc, le cheikh, il dit que c'est pas permis donc de faire ça, d'accrocher des versets de Coran ou des invocations pour guérison ou pour protection. Naam. C'est la même chose. C'est la même chose, que ce soit dans les maisons ou bien sur les personnes. C'est toujours la même chose, en fait. Et le cheikh, il dit ensuite que si on prend la position, la première opinion qui dit, de ceux qui disent que c'est permis, eh bien, c'est permis uniquement selon avec quatre conditions. C'est-à-dire que si on considère que c'était permis de le faire, il faut respecter quatre conditions pour que ce soit correct. La première condition, c'est que la chose qu'on a accrochée doit être basée sur le Coran ou sur les doigts rapportés dans la sunna qui sont authentiques et non pas des choses inconnues. Et c'est une des raisons aussi pourquoi les ulama ils ont interdit les amulettes de ce genre. C'est parce que quand les gens les accrochent sur quelqu'un, ils sont en général fermés. Et il n'y a pas moyen de vérifier ce qu'il y a dedans. Hein? À moins qu'on les ouvre. Hein? Et c'est ça en fait l'ambiguïté là-dedans. C'est que il n'y a aucun moyen de vérifier qu'est-ce qui est écrit dans cette amulette. Et beaucoup de gens qui sont allés voir des marabouts, des chouïrs soi-disant, pour se faire des amulettes comme ça, quand on les a ouverts, on a constaté à l'intérieur des choses avec du sihr, des choses avec des choses interdites, yani, des choses qui ne sont même pas écrites dans des langages connus. Et des fois, c'est des codes, des lettres ou des chiffres, des représentations, des choses bizarres. Hein? Et même certains ont dit que parfois, ils écrivent même avec des impuretés ou des choses comme ça. Et des fois, il y a du shirk. Hein? Ils demandent à des djinns ou à des hommes ou à des anges, des choses comme ça. Donc, si on dit que ça, c'est permis, des amulettes, et que c'est seulement le Coran ou les doigts authentiques, comment on fait pour vérifier et pour distinguer par la suite qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct? Donc, le fait d'ouvrir cette porte, ça ouvre une porte vers l'ambiguïté, et donc on ne peut pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai ou faux. Alors, c'est mieux de fermer cette porte pour éviter justement ces choses-là. Deuxième condition, الثاني أن يكون باللفظ العربي. Donc il faut que ce soit écrit en arabe et non pas dans des langues étrangères dont on ne connaît pas la signification. Troisièmement, أن يعتقد أن الشفاء. Donc il doit croire que, même s'il porte cette amulette là sur lui ou ce chose là sur lui, il doit croire que c'est Allah qui guérit et non pas cet objet là ou cette chose là. Il doit uniquement savoir que ça, c'est une cause et non pas la source de la guérison elle-même. Parce que c'est Allah qui guérit. Et s'il croit que cet objet-là, c'est elle qui guérit, ça, c'est du shirk. Hein? C'est du shirk à ce moment-là parce qu'il a cru que autre que Allah Azza wa Jal peut le guérir. Et quatrièmement, il ne faut pas que ce soit un manque de respect envers le Coran ou envers le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas le mettre dans des endroits qui sont impurs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui est de ce sujet-là. Le vers suivant, le cheikh, il dit « Wa kullu dawa'in fihi khaltun muharramun haramun katiriyakin bighayri taqayyudi » Donc il dit ici maintenant des médicaments ou des remèdes qui sont composés d'éléments interdits ou illicites. C'est quoi le jugement à propos de ça? Il dit que ça c'est haram. Et le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit « Ad-dawa al-murakkab min muharramin wa ghayri muharram. Iza kan al-muharram baqiyan fihi fala yajuzu isti'maluh. لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام فلا يجوز التداوي بالحرام سواء كان الدواء حراما خالصا أو مخلوطا مع غيره وله بقاء وتأثير فهذا لا يجوز وأما إذا كان المخلوط يعني استهلك مع المباح ولم يبق له عين ولا أثر فهذا لا بأس به ومن ذلك الآن الأدوية التي الأدوية الآن الأدوية يقولون إن أكثرها فيها كحول يعني فيها شيء من الخمر نقول إن كانت هذه الكحول باقية ولها تأثير فإنها تحرم أما إن كانت استهلكت وضاعت وليس لها تأثير فإنها لا تحرم وتجنبها بلا شك أحوط والترياق هو كان أهل الجاهلية هو ما كان أهل الجاهلية يعملونه من التداوي بلحوم الحيات والحيات محرمة فهذا الترياق حرام لأنه مشتمل على حرام. Donc le cheikh il explique qu'en ce qui concerne les médicaments et les remèdes, il dit que c'est si un remède est composé de quelque chose qui est halal et d'autres qui sont haram, donc des compositions ou des ingrédients qui sont halal et d'autres qui sont haram, il dit dans ce cas-là, si le haram qui est dedans il reste, c'est pas permis de l'utiliser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, yani, guérissez-vous et ne vous guérissez pas avec ce qui est haram. C'est-à-dire, n'utilisez pas ce qui est haram comme remède ou comme médicament. Et le cheikh, il dit que il n'est pas permis donc de se guérir par quelque chose qui est haram, peu importe que ce soit une chose qui est purement haram ou mélangé avec. Il dit, si la chose qui est haram, elle reste dans les composants de ce médicament-là et qu'elle a un impact ou un effet, alors dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Mais si c'est mélangé et que le produit qui est haram ou l'ingrédient qui est haram, il est consommé et il disparaît dans le médicament, il ne reste pas, et que il ne reste pas du médicament lui-même ou des effets de ce médicament-là. Alors, pas de ce médicament, pardon. Il ne reste plus de cet ingrédient-là, et que cet ingrédient qui est haram n'a plus d'effet par la suite. Alors, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à l'utiliser. Il dit, c'est comme ce qu'on dit, par exemple, de certains médicaments aujourd'hui, comme des sirops ou des choses comme ça que les gens doivent prendre. Ils disent que dans la plupart d'entre eux, il y a de l'alcool ou une quantité d'alcool. Il dit, ça veut dire que cet alcool-là, si elle reste dedans, dans le produit, et qu'elle a un effet, alors à ce moment-là, c'est haram. Mais si c'est l'alcool qu'on a mis puis qui disparaît après, il n'a pas d'effet dans le traitement lui-même, alors à ce moment-là, ce n'est pas haram. Toutefois, c'est préférable de s'en écarter pour être plus sûr. Hein? Et il dit ensuite, « Wat tiryak, Au tériaque, il dit, c'est ce que les gens de la Jahiliya faisaient comme médicament avec la chair de serpent. Ils utilisaient de la chair de serpent. Il dit, ça c'est haram. Et donc, ce médicament-là, c'est pas permis parce que ça contient quelque chose de haram. Ensuite, il dit, wa halla bi ghayri al-wajhi wa ismu baha'imin wa fil ashhari krah jazza zaylin mumaddadi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh explique, il dit, al-hayawanat al-baha'im la shakkana anna laha hurma. وهي لها إحساس وتتألم فلا تجوز الإساءة إليها بالضرب الشديد وقطع الطرف وغير ذلك وقطع الآذان أو كسر القرون أو ما أشبه ذلك لأنها حيوانات لها حرمة وهي تتألم وتتحسس ومن هذه الأمور إلا يعني تتحسس من هذه الأمور إلا أنها لا تتكلم فلا يجوز الإساءة إليها وتأليمها من غير حاجة ومن ذلك الوسم وهي العلامة التي يعرف بها الحيوان أنه لفلان جرت العادة عادة القبائل وعادة الأسر أنها يجعلون أنهم يجعلون لهم سمة خاصة بحيث إذا رويت يقال هذه لبني فلان فالوسم بالكي يباح لأنه يحتاج إليه وقد يكون بقطع شيء من الأذان فيحتاج إليه ولكن لا يكون في الوجه فمن فعله فهو آثم لأنه لا يجوز الضرب على الوجه لا للحيوانات ولا لغيرها ولا يجوز الوسم في الوجه فيسم الدابة في غير وجهها إما على جنبها أو فخذها أو أي مكان من جسمها ما عدا الوجه فلا يجوز الوسم فيه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد فيه لأن الوجه مجمع الحواس ويعني تؤثره أكثر من غيره من البدن. أما الشيخ maintenant il parle des animaux. OK, il parle des animaux, il dit que les animaux, ils ont leur respect aussi. Ils ont des sentiments, ils ressentent les choses et ils ressentent la douleur aussi. Donc, c'est pas permis de faire du tort, de faire du mal aux animaux, de les frapper d'une façon forte ou bien de leur couper des parties ou des membres ou de leur couper les oreilles ou de leur casser leurs cornes ou des choses de ce genre. Il dit parce que ce sont des animaux et ils ont leur respect aussi. Ils ont leur respect aussi et ils souffrent aussi. Ils ressentent la douleur. Et la seule différence entre les animaux et les êtres humains par rapport à la douleur qu'ils ressentent, c'est qu'ils ne sont pas capables d'exprimer ça ou de parler. Donc, il n'est pas permis de faire du mal aux animaux et de les faire souffrir. Sans raison. Hein? Et il dit que si par exemple on leur fait une marque, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-wasm, c'est une marque qu'on va faire sur l'animal pour savoir à qui il appartient. Et il dit que c'était une habitude dans les tribus que quand ils avaient par exemple des animaux, ils avaient chacun un emblème ou un signe par lequel ils reconnaissent que ça appartient à telle ou telle famille. Et donc, ils vont, par exemple, chauffer une tige en fer avec le symbole, et puis ils vont marquer l'animal avec ce fer-là. Ça fait une marque sur l'animal. Les gens vont voir ça, et ils savent à qui ça appartient. Ils vont dire, ah, ça appartient à telle famille ou telle tribu. D'accord? Donc ça, c'est permis. Le cheikh, il dit, c'est permis. Sauf que, il dit, c'est permis si on en a besoin de le faire. Sauf que, il ne faut pas que ce soit dans le visage de l'animal. Il dit, donc, celui qui fait ça dans le visage, yani, c'est ça, il est dans le péché. Il dit, c'est même pas permis de frapper l'animal dans le visage. Ni un animal, ni un être humain. C'est pas permis de frapper dans le visage. Et il dit, et il n'est pas permis non plus de marquer l'animal dans le visage. Et donc, si on veut faire une marque sur l'animal, il faut que ce soit ailleurs que sur le visage. Donc, ça peut être sur le flanc de l'animal, sur sa jambe, sur sa cuisse, ou des choses comme ça. Mais pas dans le visage, parce que le visage, c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et a insisté sur ça, hein, sur le fait que le visage, c'est l'endroit où se réunissent tous les sens, et donc, c'est pas permis de faire, yani de frapper le visage ou de faire du mal au visage ou de marquer le visage, encore plus que le reste du corps. Et ça, c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. Ensuite, il dit wa amma jazzu dhayl al-khayli fa huwa makruh li'annaha tahtaj ila dhaylaha من أجل أن تتحرز به من المؤذيات كالذباب وغيره فإذا جززته يعني عطلت عليها هذه المنفعة وتسلطت عليها المؤذيات وذلك يعني وكذلك معرفة الفرس وهي ناصية الفرس فلا يجوز جزها لأنها تحتاج إليها للدفء وإذا جززتها يعني يصيبها البرد يعني لقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فلا تزال هذه الناصية التي فيها الخير. Ok, ici le cheikh il explique en ce qui concerne la queue du cheval. Et donc il dit que ça c'est détestable de la couper. Il dit parce que le cheval il a besoin de sa queue pour se débarrasser des insectes ou des mouches qui la dérangent. Et il dit que si tu la coupes, eh bien, il perd cette utilité-là. Et donc, il va être yani, embarrassé par les moustiques. Hein. Il dit que, de même que la crête, je pense que c'est qu'on appelle la crête, les poils qui poussent sur la tête et le cou les cheveux du cheval, sa crinière, je ne sais pas comment on l'appelle pour le cheval. Le cheikh, il dit, c'est pas permis non plus de l'enlever, de la tondre, de la couper. Parce qu'il en a besoin et ça le réchauffe. Et puis aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a le bien qui est attaché dans ses cheveux, yani. Donc il ne faut pas lui enlever. Donc ça, c'est en ce qui concerne ce sujet-là. Il dit وكمعرفة حتما لأضرارها بما لقطعها ما تدرى به للمنكد أو بها أو بما. Et ici le cheikh il explique. Ensuite il dit وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصاء لتعذيبه المنهي عنه بمسندي أو بمسندي. Ici, le cheikh, il explique, il dit que, en ce qui concerne, bon, on va lire ça. Al-khisa huwa izalatul khisyataini. Biraddin ou qat'in. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam dhaha bi sikkin, pardon, dhaha bi kabshain. موجوعين يعني مخصيين. وهذا في الغنم لا بأس به لما فيه من المصلحة بتوفير اللحم وتطيب اللحم في الغنم لا بأس به، أما في غير الغنم فلا يجوز للنهي عن تعذيب الحيوان. Ici le cheikh il explique que en ce qui concerne le fait de castrer les moutons, le mâle de la de le mouton, c'est le mouton, hein, le mâle de la brebis, c'est le mouton. Donc il dit de castrer la brebis, la mouton, c'est le mouton, c'est permis parce que il dit que ça peut améliorer ça peut faire en sorte que l'animal va être plus gras, il va avoir plus de viande et la viande va avoir un meilleur goût. Il dit que ça c'est seulement permis pour les moutons, c'est pas permis pour les autres animaux. Je sais pas. En tout cas, ici le cheikh il mentionne seulement pour les moutons, mais c'est possible que également ce soit permis s'il y a un pour les bœufs, comme tu dis, si c'est pour les faire labourer le champ, si le fait de ne pas le faire, ça les empêche de le faire, alors à ce moment-là, oui, j'imagine que dans ce cas-là, ça pourrait être permis également, tant qu'il n'y a pas de chien, comme si, tant que ça va pas faire trop mal à l'animal ou des choses comme ça. Donc, si jamais ils le font, ils doivent le faire d'une manière qui n'est pas douloureuse pour l'animal. Ah oui, pour des chats aussi, comme par exemple, si quelqu'un il a un chat, Allahu alam, le cheikh il n'a pas mentionné cet exemple-là, mais c'est la règle, c'est la même pour les animaux de façon générale, que s'il n'y a pas de, si on va pas les, comment on dit, il n'y a pas de ta'dhib. Ta'dhib, ça veut dire les châtier. Hein, ça va pas leur faire mal, ça va pas leur faire trop de douleur. Ouais. Donc ce que les médecins, les vétérinaires font aux chats par exemple, quand ils les opèrent pour enlever ça pour les chats, ben c'est en général c'est fait avec une anesthésie, puis c'est fait d'une façon qui va pas leur faire du mal. Et c'est pour le bien de l'animal aussi, parce que s'il est à l'intérieur d'une maison, puis que il est dans une période de rut ou des choses comme ça, là ça devient compliqué parce que peut-être qu'il va commencer à uriner partout. Donc dans ces cas-là, si ça fait pas de mal à l'animal, ça c'est la règle générale à ce sujet-là. Que ça va pas nuire à l'animal ou lui faire du tort. D'accord? Et il dit وَقَطْعِ قُرُونٍ وَالْآذَانُ وَشَقُّهَا بِلَا ضَرَرٍ تَغْيِيرُ خَلْقٍ مُعَوَّدِ. Il dit كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كَسْرُ قُرُونِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ بِهَا لِأَنَّ قَطْعَهَا يعطل على الحيوان مصلحة في الدفع لأنه كالسلاح مع الإنسان يدفع به عن نفسه فلا يجوز كسره أو قطعه إلا إذا انكسر وبقاؤه يضر الحيوان ويؤلمه فلا بأس بإزالته أما إذا كان سليما وليس فيه أذى فإنه لا يجوز كسر قرون الحيوان وكذلك أذن الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها لما في ذلك من تعذيبها وتشويهها ولما فيه من تغيير خلق الله عز وجل وقد ذكر الله عن الشيطان أنه قال ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام والبتك هو القطع فليبتكن يعني يقطعون الآذان آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام والبتك هو القطع فلا فليبتكن يعني فليقطعون آذان الأنعام. D'accord. Donc on va s'arrêter ici. Je vais traduire ce dernier point-là, puis après ça on s'arrête, inshallah. Donc ici, le cheikh, il explique aussi les cornes des animaux qui ont des cornes et les oreilles. Hein. Il dit de même qu'il est il n'est pas permis de couper les cornes des animaux par lesquelles elles se défendent, hein, parce que les animaux, yani, ils utilisent leurs cornes en général, c'est pour se défendre. Et donc, si tu leur enlèves ça, ils ne peuvent plus se défendre. Alors, c'est pas permis de les casser ou de les couper. Excepté si elles sont déjà cassées et que ça risque de faire du tort ou du mal à l'animal de les laisser parce qu'elles sont cassées. Et, mais si elles sont en bon état donc, et qu'il n'y a pas de tort à l'animal, alors dans ce cas-là, c'est pas permis de les casser. Yani, c'est pas permis de les casser dans ce cas-là. Il dit de même que les oreilles de l'animal, il n'est pas permis de les couper ou de les couper ou de les fendre, hein, de les couper ou de les fendre, parce que ça c'est c'est comme un châtiment pour l'animal et en même temps c'est comme c'est quelque chose qui va l'enlaidir. Et il y a dans ça le changement de la création d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a interdit ça. Et il a mentionné que le shaitan, il travaille pour changer la création d'Allah. Et il dit, je vais leur ordonner pour qu'ils coupent les oreilles des animaux. Donc c'est ce que les mushrikines faisaient, couper les oreilles des animaux. Et donc ça, c'est pas permis. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama, tu veux faire l'adhan? Comme ça on commence tout de suite, inshallah.